Cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-Allama al-Sheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Si'di rahimahullah ta'ala. Wa qala ta'ala إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال رحمه الله فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه. On est toujours dans le premier chapitre sur حد الإيمان وتعريف الإيمان وتفسير الإيمان وتقدم معنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. Donc la foi c'est une croyance dans le cœur, c'est des paroles avec la langue, c'est des actes avec les membres. Et il a cité plusieurs adillah في هذا رحمة الله عليه. Et on continue aujourd'hui avec هذه الآيات من سورة الأنفال. فقال الشيخ سعدي رحمه الله وفوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه. Vous avez remarqué que في هذه الآيات il a cité سبحانه وتعالى صفات المؤمنين ومن صفاتهم أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Parce que ça nous montre أن من الإيمان c'est الخوف من الله سبحانه وتعالى وجلت أي خافت قلوبهم. Et quand ils entendent le rappel d'Allah سبحانه وتعالى ils craignent Allah عز وجل. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كذلك dans ce verset أن الإيمان il augmente. Et si l'إيمان il augmente forcément il diminue. Il y en a, si il augmente c'est après avoir augmenté, c'est qu'il était bas. Une chose qui monte, c'est qu'elle était basse avant. قال الذين يقيمون الصلاة. Ça nous montre أن من الإيمان كذلك c'est les actes des membres. وهكذا la langue, هكذا le cœur. لأن الصلاة c'est une intention sincère pour Allah عز وجل. كذلك c'est des paroles, مثلا la récitation de الفاتحة, الأذكار, etc. Et bien sûr c'est des actes. الركوع والسجود والقيام. Le fait de s'incliner, de se prosterner, de rester debout, de s'asseoir, tout ça, ça fait partie de l'Iman. Oulaïka humul mu'minouna haqqa. C'est eux al mu'minouna haqqan. Comme a dit Cheikh Sa'di rahimahullah. Wa zahirihi wa batinihi fa innahu wasafahum bil iman bihi imanan zaharat atharuhu fi aqaidihim wa aqwalihim wa a'malihim al-zahira wal batina. Dans leur cœur, qawluhu wajilat qulubuhum. Aïe, ils craignent Allah Azza wa Jal. Et la crainte d'Allah, c'est dans le cœur. Et bien sûr, la crainte d'Allah Azza wa Jal, il y a un impact sur la vie du mu'min dans ses faits et gestes, dans ses paroles. Qala wa aqwalihim. Ils font du dhikr. Ils font la salat. Qala wa a'malihim. Ils font la salat. Qala wa annahu ma'a thubut al-iman fi qulubihim yazdadu imanuhum kullama tuliyat alayhim ayatullah. Ça nous montre أن من أعظم أسباب زيادة الإيمان c'est la récitation du Coran. C'est méditer. C'est réfléchir. C'est prendre du temps à lire هذا القرآن. لا شك أنه ça fait monter la foi. وكذلك غير القرآن من الذكر. قال وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله معتمدون في أمورهم كلها عليه. هذا شأن المؤمنون. المؤمنين الخلص ceux qui ont un iman قوي, qui ont une foi très très élevée, alors ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les cas. L'iman al-yana, c'est lui qui possède tout, azza wa jal, c'est lui qui guide, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend, subhanahu wa ta'ala. قال وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها ويقيمونها ظاهرا وباطنا. نعم المؤمن يدن de l'importance à الصلاة. Bien sûr, la salat obligatoire. Et Hakada, il donne de l'importance kadalik au nawafil. Chacun selon son iman. D'autres, ils feront beaucoup de nawafil, d'autres, ils feront moins. Lakin, al-faridha, l'obligation. Kathir min ahl al-ilm. Yaqulun anna, celui qui délaisse hadihi salat, ay al-fard, les cinq salats obligatoires, quotidienne. فكثير من العلماء يقولون أنه celui qui les délaisse, on ne parle pas de celui qui les rejette, qui dément al-juhud, هذا c'est un kafir, c'est un mécréant بالإجماع. Là on parle de كثير من أهل العلم يقولون أن celui qui les délaisse par fainéantise, même s'il croit, فيقولون أنه c'est un kafir. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال ويقيمونها ظاهرا وباطنا. Et ça, c'est important. Iqamatu hadhihi salat. Avec al-zahir, et avec les membres. Et on se prépare, on fait l'odo. Thomas, pour les hommes, on se rend au masjid. Ou pour les femmes, à la maison, ou celui qui a une excuse. Et on se lève, et on s'incline, on se relève, on se prosterne. Mouhim, iqamatu salat zahiran. Et les faits et gestes, et les paroles. Et kadalik, iqamatu ha batinan. Et ça, c'est aham l'umour. لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Chaque acte, salat ou autre, c'est par rapport à l'intention. فالسلوي dont l'intention c'est de se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى, d'obéir à Allah سبحانه وتعالى, de se soumettre à Allah سبحانه وتعالى, والله il acceptera sa salat. Et celui dont l'intention c'est autre chose, fait par rapport à son intention. On n'oublie pas هذا. Et ça, c'est pas que pour salat, c'est pour toutes les œuvres. Zahir wa batin. Chaque œuvre, elle a un zahir et un batin. Enfin, on néglige pas l'apparence et le fait de, matalan, si c'est un acte où il faut se déplacer, etc. Et on néglige pas le batin. Et l'intention. Pourquoi on fait cette chose? Et pour qui on fait cette chose? Et qu'est-ce qu'on espère de cette œuvre? C'est ça. بواطن هذه العبادة. قال ويؤتون الزكاة وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة ومن كان على هذا الوصف فلم يبق من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا ولهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا. لا شك أن celui qui obéit الله سبحانه وتعالى, qui s'écarte des interdictions, qui fait des efforts dans la salat, dans la zakat, dans la sadaqa, etc. Il n'y a aucun doute أن هذا c'est un مؤمن. Et il est sur un bien énorme. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert les portes. قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة. Ça ne veut pas dire que ceux qui font moins d'efforts, ou qui abandonnent certaines choses, ou qui font certains péchés, أنهم ce n'est pas des مؤمنون. أولئك هم المؤمنون حقا. هنا c'est الكمل, ceux qui ont un iman قوي. لأن عند أهل السنة والجماعة أن certains actes, certains amal, le fait de les faire, bien sûr c'est min al-iman, ou plutôt le fait de les délaisser, ça peut annuler l'iman. Matalan, celui qui délaisse al-tawhid, qui ne prononce pas shahada, هذا c'est pas un mu'min. S'il a la capacité, c'est pas un mu'min. Bil-ijma'. كذلك celui qui délaisse la salat, il y a un khilaf, on a cité al-qawl, anna ba'd al-ulama yaqulun annahu perd totalement al-iman, il n'a plus de foi. Et d'autres a'mal comme la zakat, comme as-siyam et min bab awla, d'autres obligations qui font pas partie de arkan al-islam, wa 'inda al-sunnah celui qui délaisse hada al-fi'l, sa foi elle descend. Il commet une énorme injustice, c'est très très grave, lakin il perd pas la foi. Complètement. Sa foi, elle diminue, et bien sûr, il est en danger. قال الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا ثم ذكر ثوابهم الجزيل المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور. Ça, c'est la première récompense. قال عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا. أي هؤلاء المؤمنون qui font beaucoup d'efforts pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour se soumettre, et leur foi elle augmente, ils auront قال لهم درجات عند ربهم, la première récompense, en Allah subhanahu wa ta'ala il les élèvera في الدنيا, dans ce bas monde, et bien sûr dans l'au-delà. Ça nous montre anna, si tu veux être élevé في الدنيا et في الآخرة, fais des efforts dans l'iman, apprends ton din, apprends ta aqida, et fais des efforts pour mettre en application tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras élevé. L'élévation, ce n'est pas par rapport à l'argent, ce n'est pas par rapport aux connaissances, ce n'est pas par rapport aux origines. C'est pas par rapport à l'endroit où que tu es. Abadan. Abadan. Si c'est pas fondé sur l'iman, toutes ces choses, c'est d'aucune utilité. La base et la cause principale, c'est l'iman pour être élevé. قال رحمه الله ورفعة الدرجات عند ربهم والرزق الكريم المتضمن من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Donc la première récompense, on a manqué quelque chose. On répète. ويحققون القيام. نعم. ثم ذكرت المغفرة المتضمنة لزوال كل شر وحضور. نعم. C'est هذه que j'ai oublié. On répète. La première, المغفرة. Ou plutôt l'ordre du verset, là, c'est ça qui m'a conduit, qui m'a poussé à mélanger. Nous, on se base sur le verset. On a lu Kalam Ashir Sa'di. Naam, on l'a fini. On se base sur le verset pour suivre l'ordre. La première récompense, lahum darajatun inda rabbihim. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Allah subhanahu wa ta'ala, il les élèvera en degré ici-bas et dans l'au-delà. La deuxième récompense, wa maghfiratun. Ça nous montre qu'anna parmi les causes pour être pardonné, c'est l'iman. Fais des efforts dans ton din. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes actions, ça efface les mauvaises actions. Enfin, on espère tous que Allah nous pardonne, mais il ne faut pas que ça soit mujarrad da'wa. Là, min asbab al-maghfira, c'est d'œuvrer. Fais du khayr avec une bonne intention et Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonnera. Wa rizqun karim. La troisième récompense, ar-rizq. Et taqaddam ma'ana dans plusieurs durus an ar-rizq quand il est cité hakada mutlaqan, il ne faut pas penser qu'au rizq à la nourriture. Là, rizq, il est à la naw'ain. Rizq al-abdan ou rizq al-qulub. La subsistance du corps, enfin, c'est la nourriture, etc. Enfin, parmi les causes, c'est l'iman, la foi, et faire des efforts dans notre din. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donnera. Et a'zamu min dhalik, rizq al-qulub. Et il a guidé la science et la foi. Ça nous montre que la foi, c'est une cause de faire des efforts pour que notre foi elle augmente. L'anna, c'est min a'zam al-arzaq. Qala rahimahullah, wa qala ta'ala, qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un, walladhina hum anil-lagwi mu'ridun, والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité صفات المؤمنين. Les caractéristiques des croyants, ceux qui ont l'iman. Ça nous montre encore une fois, après le verset qu'on vient de citer, qu'on vient de lire, qu'on vient de terminer, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. Et tout au long de l'étude de cette risale-là, la chose principale que tu vas comprendre, Akhil Karim, c'est que l'iman, ce n'est pas une étiquette. L'iman, ce n'est pas une origine. Voilà. L'origine, c'est être arabe, être non-arabe, être africain, asiatique, européen. C'est ça l'origine. Mais l'iman, ça n'a rien à voir avec ça. L'iman, c'est une croyance dans le cœur, c'est des paroles. Et c'est des amal que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité dans ses versets. Et on vit à une époque, à cause de l'ignorance qui est très très propagée, Bardoum, il pense que l'iman, c'est mujarrad une appartenance. Je viens de tel pays, mes parents, dans ma famille, c'est des croyants, et ça s'arrête là, comme un prénom. Comme sa famille lui ont donné un prénom, le Bard, il pense que l'iman, ça se donne, abadan. Al-Iman, ce n'est pas un prénom, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas mujarrad une appartenance. Al-Iman, c'est une aqida avec des œuvres, avec une mise en application. Ta'ammal, qala azzawajal, qad aflaha al-mu'minun. Ha'oula al-mu'minun, ils font partie de ceux qui ont réussi. Al-falah, c'est une kalima, c'est un mot en arabe qui rassemble tout le bien, ici-bas et dans l'au-delà. Enfin, si tu veux réussir, ici-bas et dans l'au-delà, le seul moyen, c'est de faire partie de al-mu'minun. Amma al-mushrikun al-kafra, voilà, chacun d'eux, ils font partie des perdants. Falihada, qala Allah azza wa jal, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, falan yuqbala minhu, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Le contraire, ceux qui désirent une autre religion que l'islam, que l'iman, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'acceptera pas d'eux, même si ils font du bien parfois, Allah il n'acceptera rien d'eux. Et يوم القيامة, le jour du jugement, ils feront partie des perdants. Même si في الدنيا, ils ont un certain statut, un certain rang, ils ont de l'argent, ils profitent de certaines choses, tout ça c'est من عقاب الله, c'est une punition, un باب الاستدراج, ça les écarte encore plus de la vérité. يوم القيامة, ils feront partie des perdants. Donc هذا, ça nous montre أن la réussite ou son contraire, la perte, le fait de ne pas réussir, c'est par rapport à l'iman. Enfin, on peut se poser la question, c'est quoi les caractéristiques de Haoula? On est d'accord que ce n'est pas une appartenance, ce n'est pas qu'une étiquette, ce n'est pas un nom. Là, قال عز وجل, الذينهم في صلاتهم خاشعون. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit Haoula. Et cette description, ce n'est pas que pour qu'on récite. On récite et on connaît, مثلا, surat al-mu'minun, par cœur, et on récite ces versets. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de lire. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Tu sais que الْمُؤْمِنُونَ, c'est ceux qui ont réussi. Et juste après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité c'est qui Haoula. Il a cité leurs caractéristiques. En tant que croyant, tu dois méditer sur Haoula pour mettre en application et faire partie de Haoula. Il y en a quand on lit ces versets. Et nous, on espère, on fait des efforts pour être des croyants, on fait des efforts pour apprendre notre dîn, pour mettre en application. Enfin, en lisant ces versets, est-ce qu'on fait partie de Haoula? Kazalik, une autre faïda importante qu'on a citée, qu'on récite dans ce genre de choses, regarde-toi en premier. Regarde pas les autres. Là, regarde-toi. Il y en a le bard, il lit ces choses et il regarde les autres. Ouais, c'est vrai qu'un tel, il fait pas d'efforts. C'est vrai que j'ai vu un tel, il fait pas. Regarde, ant awwalan. Est-ce que dans ta salat, tu as had al-khushu'? Thumma, une autre question qu'on peut se poser, comment avoir le khushu'? Qu'on ne traitera pas. Ici, cette question, laquelle on pourrait, elle a été traitée, wa lilhamd par ahl al-ilm. C'est quoi les causes pour avoir le khushu'? لأن الله عز وجل قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. Al-khushu', c'est être concentré, se recueillir. Al-khushu', la chaque, c'est fondé sur l'ikhlas, ça montre la véracité de ce mu'min, annahu, il est véridique. Comment avoir had al-khushu'? Pourquoi ahyanan on fait salat, on n'a pas ce khushu'? On bouge, on pense, même des fois on ne bouge pas, on est concentré en apparence, lakin le cœur il fait le tour de la terre. On pense à foulan, et on va et on rentre et on sort. Quand on a fini la salat, ahyanan on. Si tu te poses la question, qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as dit, ahyanan certains passages de la salat, tu ne sais plus. Ça montre un wa fi al-khushu'. Par rapport à cette faiblesse dans le khushu', dans le recueillement, dans la concentration, la foi, elle baisse. Plus l'insan, il se concentre dans sa salat, plus c'est un dalil, annahu, il a une foi élevée. Pourquoi? قال عز وجل, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Allah, il a montré que c'est une caractéristique des croyants. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. اللغو, c'est الكلام qui fait du mal. Il n'y a aucun bien. Mensonge, namima, toutes ces choses. Il n'y a aucune faïda, il y a un énorme mal. Pour toi, أخي الكريم, فالمؤمن يعرض عن هذا. المعرض c'est celui qui s'écarte. والذين هم عن اللغو معرضون. Ça peut être, on a dit, الكلام, ça peut être autre chose. اللغو, quelque chose qui n'a pas de faïda, qui fait du mal. فالمؤمن من أوصافه أنه, il fait des efforts pour faire des choses تنفع. كم من الناس يرغب اللغو. Ils écoutent اللغو. Ils disent اللغو. Des choses, il n'y a aucune faïda, il y a énormément de mal. Et ils délaissent des choses essentielles de leur dîn. قال والذين هم للزكاة فاعلون. Est-ce qu'on sort la zakat? Est-ce qu'on sort cette zakat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a ordonné au bon moment, la bonne somme, etc. قال والذين هم لفروجهم حافظون. كذلك, ça nous montre, vous avez remarqué que في هذه الأوصاف, il y a des choses à faire et des choses à délaisser. Ça nous montre, quand on dit que l'iman c'est des actes, ça englobe كذلك le fait de délaisser certaines choses. Laquelle on dit c'est des actes, il y en a. En général, c'est des choses à faire. Laquelle même à délaisser. Vous avez remarqué, si on reprend depuis le début, قَوْلُهُ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, c'est un acte qu'on doit faire. Une adoration qu'on doit accomplir, la salat. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, c'est quelque chose à délaisser. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, tu dois faire, sortir la zakat. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, délaisser. Et remarquez que Allah il a cité une chose à faire, une chose à délaisser, une chose à faire, une chose à délaisser. قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Ils préservent leur forge, ils n'ont de rapport qu'avec leur femme. أو ما ملكت أيمانهم, leur esclave. قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Celui qui recherche autre que cela, d'avoir des rapports autre qu'avec sa femme, ou même malakat yamino, et son esclave, enfin, hada, il dépasse les limites. Et c'est du dhulm, c'est de l'injustice, et il se fait du mal. Et ça montre que sa foi, elle est faible. قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كذلك المؤمن, il fait attention à l'amana et au ahd, ses engagements, les promesses qu'il donne. Il fait attention, il respecte hada. قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité au départ à salat et à la fin à salat. Ça nous montre ماذا يا إخوان. Ça nous montre كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة سعمود الدين. C'est le pilier de notre dîn. C'est une des bases de notre dîn. فلهذا قال بعض الصحابة عمر رضي الله عنه وغيره من أئمة الصحابة والتابعين وغيرهم قالوا لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. Celui qui délaisse la salat n'a aucune part في الإسلام. أي أن son دين il lui est d'aucune utilité. هذا c'est un قول كما تعلمون. Et dans هذه الآيات vous avez remarqué que Allah il a cité l'Iman. Il a commencé par salat et il a terminé par salat. Pour nous montrer, c'est une ishara, toutes ces choses, ça sera profitable si tu observes, tu fais des efforts pour préserver ce pilier qui est une des bases du dîn. Bon, il a celui qui la délaisse complètement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam hakam. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a jugé. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah fa man tarakaha faqad kafar. Celui qui la délaisse, il a mécru. هكذا قال عليه الصلاة والسلام قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ثم الله سبحانه وتعالى il a cité la récompense comme dans les versets précédents من سورة الأنفال. قال الشيخ رحمه الله ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات المذكورة. Et on a cité une brève explication de chaque verset. قال فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا. Celui qui accomplit toutes ces choses, هذا c'est le مؤمن حقا, أي sa foi elle est élevée. Ça ne veut pas dire que s'il ne respecte pas un engagement ou s'il fait zina عياذا بالله أنه c'est plus un مؤمن. Là, لكن il a un grave problème dans sa foi. Et il a une faiblesse dans sa foi. قال رحمه الله فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات. الإيمان c'est ça. الإيمان c'est ça. C'est une croyance, bien sûr. Et c'est le fait d'appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, les obligations, que ça soit al-zahira ou al-batina, apparente ou cachée, les œuvres des membres ou du cœur, ou ijtinab al-muharramat, et s'écarter du haram, ou al-makruhat. C'est ça l'iman. On répète, min al-wajibat, min al-a'mal, le fait de les délaisser, ça fait sortir de l'islam. Imma bil-ijma' unanimement, imma comme la salat y'a un khilaf. Maintenant, celui qui délaisse le premier rukn, il délaisse l'obligation de prononcer le shahada, même s'il prétend que c'est un mu'min, on qaddar. Wahid dit, je suis un mu'min. Et on lui dit, il faut que tu prononces la shahada. Il dit, moi je ne la prononce pas. Ce n'est pas un mu'min. Hada bilijma'. Même s'il prétend que c'est un croyant, ce n'est pas un croyant. D'autres a'mal, ou plutôt la salat, il y a un khilaf. Certains savants disent, ça annule la foi, d'autres non. أما les autres obligations كالزكاة والصيام والحج من باب أولى مثلا d'autres عبادات فهذا قول أهل السنة والجماعة أن celui qui délaisse cette obligation sa foi elle descend. Ça reste un croyant lakin il commet un péché. Thomas, ça dépend de cette obligation. Si c'est un pilier de l'islam, il commet un énorme péché. Si c'est une obligation, c'est pas un pilier de l'islam, ça dépend de l'obligation. فهذا sa foi elle descend, elle diminue et il commet des péchés en délaissant les obligations. Amma, délaisser les al-mustahabbat, les choses recommandées, va'ada, bien sûr, comme ataqaddama ma'ana fi durus al-usul, anna hada, c'est pas un péché. Celui qui délaisse une adoration recommandée, Enfin, il n'a pas de récompense, il ne la fait pas, lakin en la délaissant, il ne commet pas de péché, bien sûr. Amma al-muharramat, wajtinab al-muharramat. Enfin, faire certains péchés, ça annule l'islam. Mathalan, al-shirk. Associer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Demander à autre qu'Allah, invoquer les morts. Tout ça, ça annule l'islam ou l'iman. Wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a. Hakada qala azza wa jalla. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارُ. C'est un ظَالِم, الظُّلْم الأكبر, celui qui fait du shirk, qui adore autre qu'Allah, هذا, même s'il fait la salat, même s'il fait le hajj, même s'il fait le siyam, son iman, il est annulé. Et s'il meurt على هذا الحال, Allah ne lui pardonne pas. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah, il pardonne tout, il peut tout pardonner. Si le croyant il meurt, sauf الشرك أو plutôt si la personne elle meurt sauf الشرك celui qui meurt على الشرك عياذا بالله il a tout perdu. قال وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. تذكرون dans le verset précédent la récompense concernant les croyants c'était trois choses: رفع الدرجات les hauts degrés, le pardon, al-maghfira, ou le rizq. Allah, il leur donnera la subsistance. Concernant le cœur ou le corps. Dans ce verset, قال عز وجل, أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الوارثون, c'est ceux qui vont hériter. Et l'insan, quand il reçoit un héritage, من الأموال ou autre, فلا شك أنه il profite de cette chose. فما بالك ceux qui vont recevoir en héritage Al-Firdaus. Et Al-Firdaus, c'est un lien direct avec les versets précédents. لماذا لأن قوله لهم درجات dans Sourate Al-Anfal, et ils auront les hauts degrés. هناس, le haut degré, il est cité Al-Firdaus. C'est le plus haut degré, comme a dit le hadith. قالهم فيها خالدون. Et tout cela éternellement. Enfin, c'est sur ça qu'on doit faire des efforts, ya ikhwan. C'est cet avenir qu'on doit préparer. Et on doit faire attention. La naghtar bid dunya. Bardonnas, ils ont oublié. Ils sont tombés dans l'insouciance. Bardom, ils se sont égarés. Bardom, ils ont mécru complètement. Hatta, ils ne croient plus en l'au-delà. Les madal, ils ne pensent qu'à préparer l'au-delà. Qu'à préparer ce bas monde, cette dunya. Et ils ont délaissé l'au-delà. Qu'est-ce que tu vas gagner si tu penses qu'à l'au-delà? Peut-être que tu vas avoir un travail, une maison, une voiture. Peut-être que tu vas recevoir en héritage des choses de dunya. Du jour au lendemain, ça s'arrête. Et un jour, ça s'arrêtera et tu auras des comptes à rendre. Mais celui qui prépare l'au-delà, bien sûr, sans négliger. Celui qui prépare l'au-delà sans négliger ce bas-monde. Personne ne dit qu'il faut délaisser ce bas-monde. Là, on doit délaisser le haram. On doit délaisser les choses qui nous écartent de l'au-delà. Enfin, le mu'min, il profite des deux. Il profite de l'au-delà. Oh, il profitera de l'au-delà et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie plutôt de ceux qui profiteront et qu'il n'est pas privé de cette dunya. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. هكذا قال عز وجل. N'oublie pas ta part de cette dunya. قال وَهَذِهِ صَرِيحَ فِي أَنَّ الْإِيمَانِ يَشْمَلْ عَقَائِدَ الدِّينِ وَأَخْلَاقَهُ وَأَعْمَالَهُ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ. كذلك ces versets montrent que la foi. Allah قال قد أفلح المؤمنون أي ceux qui ont la foi. Thomas il a décrit c'est quoi la foi. Il a cité la salat, il a cité le fait de s'écarter du mal, de sortir la zakat, de se préserver, de ne pas commettre l'adultère, etc. Tout ça, ça montre que ça fait partie de la foi. Ça c'est un rab ala alladhina yaqulun. La foi c'est dans le cœur. Thomas ils font jamais al-muharram. Tu trouves le bas, ils font pas salat, ils sortent pas la zakat. Ils font des péchés, leilan wa naharan, minazina, la mixité, etc. Quand ils sont conseillés, ils disent mais la foi c'est dans le cœur. Haoula, ils n'ont pas lu le Coran. Haoula, ils n'ont pas compris le Coran. Lis ces versets et tu vas comprendre c'est quoi un mu'min. Haqqan. Wa illa faire jami' al-masa'ib. Et thumma prétendre la foi c'est dans le cœur. C'est une contradiction et kadalik c'est une faiblesse dans la religion et dans la raison. قال ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها. مذهب أهل السنة والجماعة. Vu que l'iman c'est un ensemble d'œuvres que Allah il a cité quelques exemples dans ces versets. Donc celui qui fait des efforts dans ces choses, sa foi l'augmentera. Celui qui délaisse ces choses, enfin, sa foi, elle descendra. Ben, on a cité des exemples, on a sa foi, elle peut complètement disparaître. Ayyadam billah. قال وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتات بحسب تفاوت هذه الأوصاف ولهذا كانوا ثلاث درجات. C'est pour ça que les mu'minoun, ils sont de plusieurs catégories. Vu que la foi, elle monte et elle descend, enfin, automatiquement, les croyants ne sont pas tous au même niveau. Il a cité, on a ثلاث درجات, en se basant sur le verset min surat Fatir. قال سابقون مقربون وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. هؤلاء c'est le plus haut degré. C'est ceux qui ont la foi la plus élevée. Al-muqarrabun. Ils traduisent par, ça vient du mot qurb, le fait d'être rapproché. Ceux qui accomplissent les obligations, كذلك ils accomplissent les choses recommandées. Il délaisse les interdictions et il délaisse le makruh, les choses détestables. Amma qawluhu fudul al-mubahat, fa kama nabbaha fi hamish al-kitab, qala wa kathir min ahli al-ilm lam yadhkur fudul al-mubahat. Beaucoup de savants, ils n'ont pas cité fudul al-mubahat. Fudul al-mubahat, c'est les choses inutiles min al-mubah. Al-mubah, c'est quelque chose d'autorisé. C'est pas lié au din. C'est pas, tu peux pas dire halal, haram, c'est permis. Là, c'est quelque chose de mubah. Tu veux boire, tu veux manger, c'est mubah. Al-Muhim, ce point, on n'a pas besoin de détailler. On reste axé sur imma faire les obligations, imma délaisser le haram. Faire les choses recommandées, délaisser les choses détestables. Donc celui qui fait ces choses, que Cheikh Saadi l'a cité, c'est, il fait partie de l'Muqarrab. La deuxième catégorie, wa muqtasidun, ça vient de l'qasd, ça vient de l'iqtisad. À l'iqtisad, on connaît ce mot, nous, c'est faire des économies. Ne pas dépenser beaucoup. Ou la muqtasidun. Ils font le minimum. Humul ladina qamu bil wajibat. Ils font les obligations. Wa taraku al muharramat. Et ils délaissent le haram. Ou la kadhalik, ils sont à la khair. Même s'ils n'ont pas atteint le niveau de l'muqarrabun, lakin celui qui meurt à la hada, il a fait les obligations. Il a délaissé le haram. Fala shakanahu, il rentrera au paradis. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, aflaha in sadaq. Le hadith il est fi al-sahihayn, sahih al-Bukhari, sahih al-Muslim. Beaucoup de hadiths dans ce sens. Et cet homme qui est venu voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam marra, et il lui a dit informe-moi les obligations, il lui a dit al-shahada wa salat, etc. Thumma al-haram. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je fais hada et je délaisse le haram, est-ce que ça va suffire? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit aflah, in sadaq. Et il aura réussi s'il dit vrai, et s'il fait ces choses. Vous avez remarqué que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle aflah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset قال قد افلح المؤمنون. Pourquoi? Parce que cet homme il a l'iman, s'il fait les obligations et il s'écarte des interdictions. Haoula, c'est al-muqtasidun. Ils font le minimum. قال اي le minimum dans les obligations. Wa illa fa yadlasu si haram. Il y en a certains et c'est la troisième catégorie, dhalimun li anfusihim. Haoula dhalamu anfusahum. Pas adh-dhulm al-akbar. Adh-dhulm al-akbar c'est shirk. Ils ne rentrent pas dans ces catégories. Ces trois catégories, l'un qu'on cite, c'est des croyants. Lakin, ils ont des différences au niveau de la foi. Wa illa va al-zalimun, qui sont cités beaucoup dans le Coran ou le Sunna, qui font du shirk akbar. Fahaoula, ils n'ont aucune part dans l'iman et dans l'au-delà. Fahaoula, al-zalimun li anfusihim, humu alladhina taraku ba'd al-wajibat. Ou taraku ba'd wajibat al-iman. Ils ont délaissé certaines obligations. Amma, on répète certaines obligations comme le fait de prononcer shahada, tawhid. Celui qui délaisse hada, c'est plus un croyant. Lakin ba'd al-wajibat, certaines obligations. On ne cite pas en exemple à salat, il y a une divergence. On peut citer en exemple, Matalan, il délaisse as-siyam. Il ne jeûne pas. Fa'oula, zalimun li anfusihim. Ils commettent un énorme péché. Ça reste des croyants, lakin leur état, il est très très grave. قال وفعلوا بعض المحرمات. Ils font certaines choses haram. Mathalan, un mu'min qui ment, qui fait al-ghiba ou al-namima, qui critique injustement ses frères, qui les calomnie, la médisance. Hada, c'est un zalim. Il est injuste envers lui-même, il est injuste envers ses frères, et là, chacun a sa foi, elle est faible. قال كما ذكرهم الله بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a cité ces trois catégories. Et ces trois catégories, ils font partie de Ahlul Jannah. Les deux premières catégories rentreront fi al-Jannah sans rentrer en enfer, bien sûr. Les Mahadaliana, vous avez remarqué, les deux premières catégories, ils ne font pas de haram. Ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles. Ta'ammalou. Même un salih qui fait beaucoup d'efforts, un jour il peut faire al-haram. Lakin yatouboun. Même s'ils font du haram, un jour ils glissent, yatouboun. Et ils meurent à la khayr. Fa'a'oulala, chaque année, ils rentreront au paradis. La troisième catégorie, ils rentreront au paradis un jour ou l'autre. Et est-ce qu'ils rentreront en enfer ? Fakama qala azza wa jalla. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Celui qui ne fait pas de shirk, il est tahta al-mashi'a. Si Allah veut, il leur pardonnera malgré leur injustice et ils rentreront directement au paradis. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il décide, ils passeront un séjour en enfer pour être purifiés de leurs péchés. Wa ala kulli hal, ils rentreront au paradis. Enfin, ces trois catégories seront éternellement au paradis. La différence, c'est quoi? Bien sûr, c'est que certains rentreront directement. Et Obama, la troisième catégorie, certains feront un passage en enfer. Ça, c'est la première. La deuxième différence, c'est Ad-Darajat, qui sont cités dans les versets. Tadhkurun, qala azza wa jalla, lahum darajatun inda rabbihim. Ils ne seront pas au même niveau, fil Jannah. Certains seront Firdaus, certains seront un peu plus bas. Certains seront le premier degré, le plus bas. نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعمل أهل الفردوس قال وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. Ça c'est une مسألة طيبة. On a compris que l'Iman ça englobait les œuvres. Al-Iman, donc, c'est croyance dans le cœur, parole avec la langue et acte avec les membres. On peut se poser la question, pourquoi dans des textes, Allah il cite l'Iman et après il cite la foi. Il cite les œuvres. Pourquoi il ne cite pas que la foi et on sait que dans la foi, il y a les œuvres. Cheikh Saadi, rahimahullah, قال, لِأَلَّا يَظُنْ أَظَّانْ, pour que personne ne pense que la foi, ça suffit dans le cœur. Il n'y en a, c'est pas tout le monde qui peut comprendre. La foi s'englobe que d'aller que les actes. Ba'dannas, il faut que ça soit clair pour qu'ils comprennent. Falihada qala fakam fil Qur'an min qawlihi inna alladhina amanu wa amilu s-salihat. Dans plusieurs versets, il a cité fil Hashiya al-Muhaqqiq waradat fi 10 mawadhi' fil Qur'an. Dans 10 versets du Qur'an. Min surat Yunus wa Hud wa al-Kahf wa Maryam wa Luqman wa Fussilat wa al-Buruj wa al-Bayyinah. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال ثم يذكر خيرا عنهم والأعمال الصالحات من الإيمان من لوازم الإيمان وهي التي يتحقق بها الإيمان فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بالصادق في إيمانه. هذا سان كلام جميل. ثم يذكر خيرا عنهم والأعمال الصالحات من الإيمان. دونك les œuvres, ça fait partie de l'iman, les œuvres pieuses bien sûr. قال ومن لوازم الايمان, donc ça fait partie de la foi. Laquelle on peut se poser la question, pourquoi des fois les œuvres elles sont citées après la foi, et pour montrer, pour ne pas que quelqu'un pense que la foi c'est que dans le cœur. Ça c'est premièrement. Donc la foi ou les œuvres plutôt, ça fait partie de la foi. كذلك من لوازم الايمان, ça veut dire quoi? Ça veut dire ان celui qui a l'iman, enfin, automatiquement, ça va le pousser à œuvrer. Mais celui qui délaisse toutes les œuvres et ne fait rien, la tawhid, la salat, ou la shaykh, la shaykh, comme a dit le shaykh Saadi, il n'est pas sadiq, il n'est pas véridique dans son iman. Donc, la shaykh, l'iman, par rapport à la force de cette foi, ça le poussera à œuvrer. Certains, ils œuvrent beaucoup, al-sabiqoun, al-muqarraboun. D'autres, ils font le minimum dans les obligations, al-muqtasidoun. Et d'autres, ils font un wajibat, lakin ils ont des faiblesses et ils font du haram. Ha'oula, al-zalimun li anfusihim. Qala, wa min lawazim al-iman, wa hiya allati yatahaqqaqu biha al-iman. Et ça montre que la preuve, al-burhan, chaque chose a une preuve. Qala azza wa jalla, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Chaque chose a une preuve. Tu prétends avoir la foi, c'est quoi l'iman? Tu prétends plutôt avoir la foi, c'est quoi la preuve? C'est quoi le délil? C'est exactement comme ceux qui prétendent l'amour d'Allah. Qala azza wa jal, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Celui qui prétend aimer Allah et son messager, bien sûr, ça fait partie de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, l'a cité al-Burhan, la preuve, al-Dalil. Al-Dalil, c'est quoi? C'est celui qui aime Allah et son messager, il suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قل أي محمد dis-leur, إن كنتم تحبون الله, si vous aimez Allah, فاتبعوني, suivez-moi et suivez le messager. C'est ça le dalil. Hakada pour l'iman, c'est quoi la preuve de l'iman? Tout le monde peut dire, je suis un croyant. Les juifs, l'un, ils disent, c'est des croyants. Les chrétiens, ils disent, c'est des croyants. بعض المشركين من الروافد والزنادقة وغلاة الصوفية, ils disent, c'est des croyants. Hada, ils font du shirk et du kufr nuit et jour. C'est quoi la preuve? La preuve de l'iman, c'est les œuvres pieuses. Et la principale œuvre, la plus importante, c'est at-tawhid. Thumma salat. Et le péché le plus grave, c'est al-shirk ou al-kufr. Donc, al-mu'min, bien sûr, il fait l'essentiel, il s'écarte du péché le plus grave, al-shirk, et selon sa foi, il adora Allah subhanahu wa ta'ala, il s'écartera du haram. Qala kama yaqirna, kama yaqirnu bayna al-iman wa al-taqwa fi mithl qawlihi ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. كذلك الله سبحانه وتعالى احيانا يسيت الايمان والتقوى ensemble alors que التقوى bien sûr ça fait partie de l'iman. L'iman il traduit par la foi, التقوى la crainte d'Allah. Il n'y a aucun doute que la crainte d'Allah ça fait partie de la foi. لكن الله سبحانه وتعالى احيانا يسيت les deux. قال فذكر الايمان الشامل لما في القلوب من العقائد والارادات الطيبه والاعمال الصالحه ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان. هذا كلام جميل أيضا. Quand l'iman et at-taqwa, la foi et la crainte, ils sont cités ensemble, l'iman, c'est tout ce qu'on vient d'étudier. Et la croyance dans le cœur, les paroles et les œuvres pieuses. Ça, c'est l'iman. At-taqwa, قال ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله. At-taqwa, quand elle est citée avec l'iman dans le même texte, et c'est le fait de s'écarter de tout ce que Allah il déteste, ce qui met Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Min al-kufr, la mécréance, ou al-shirk, ce qui fait sortir de l'islam, bien sûr, ou al-fusuq, huna c'est bima'na al-kaba'ir, les grands péchés, ou al-isyan, les autres péchés. Tu as les trois catégories. Tu as les péchés qui font sortir de l'islam, al-kufr ou al-shirk, tu as al-fusuq, les grands péchés, et tu as al-isyan, désobéir à Allah, même si ce n'est pas un grand péché. Donc, par rapport à ces trois choses, l'iman peut être impacté. Al-kufr, la première catégorie, al-kufr wa shirk, ça annule la foi. Al-fusuq, les grands péchés, ça fait diminuer la foi. Wa labud min tawba. Wa al-isyan, les petits péchés, kadalik, ça fait diminuer la foi, lakin moins que les grands péchés. Qala wa lihada haqqaqa dhalik bi qawlihi wa kanu yattaqoon. كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Et ce verset نستفيد منه autre que la faïda qu'on vient de lire de الشيخ السعدي رحمه الله أن هذا الإيمان c'est من الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. C'est Allah qui vous a fait aimer la foi. Donc من التوفيق, on ne doit pas négliger هذا يا إخوان, c'est de demander à Allah سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان, qui nous embellisse la foi dans nos cœurs. Et كذلك on demande à Allah سبحانه وتعالى qu'il nous fasse détester الكفر والفسوق والعصيان. قال وكره إليكم, c'est lui qui vous a fait détester la mécréance, الفسوق والعصيان. C'est une ni'ma min Allah, أنك tu aimes التوحيد, tu aimes la science, tu aimes la salat, tu aimes le hajj, tu aimes le jeûne du ramadan, tout ce qui est lié à l'iman, tu aimes. C'est une ni'ma min Allah. كم من الناس يدتست من الكفار أنهم يزنطنوا un mot lié à la foi ou à l'islam, ربما ينفجر, ils explosent de rage. احمد الله. كذلك, tu détestes la mécréance, le shirk, l'homosexualité, la mixité. Tu détestes les kuffars et tout ce que les kuffars, ils font toutes ces choses, t'aimes pas. كم من الناس, ils adorent ces choses et propagent ces choses. L'homosexualité, la mixité, zina, la mécréance, la moquerie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout ça au nom de la liberté, et ils aiment ces choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ton cœur, il a mis de la haine, du dégoût envers Al-Haram. Fahmadillah. Falihada qala azza wa jal, fadlan min Allah wa ni'ma. C'est une ni'ma. Et ça, c'est quoi la position du mu'min par rapport à une ni'ma? C'est ash-shukr. On doit être reconnaissant. La reconnaissance, c'est pas que la bonne santé et l'argent, ya ikhwan. A'zamu min dhalik. Et ça montre qu'on doit être reconnaissant à chaque instant, tous les jours, c'est l'iman que tu as dans le cœur. C'est ça qui te sauvera, bi-idhnillah. Azza wa jal. Qala, fahada akbaru al-minan. أن يحبب الإيمان للعبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته وتنقاج ورحه للعمل بشرائع الإسلام ويبغض إليه أصناف المحرمات والله عليم قال والله عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل نعم سوء النعمة يا الله سبحانه وتعالى c'est lui qui sait c'est lui qui donne la foi à un tel et il la retire d'un tel et il égare un tel Allah سبحانه وتعالى c'est le hakim tout ce qu'il fait c'est basé sur la sagesse et la justice. قال حكيم في وضعه في محله اللائق به كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. dans ce hadith il a cité cet exemple أن ces choses ça fait partie de حلاوة الإيمان. Al-halawa, c'est un goût, une saveur. An yakun Allah wa rasuluhu ahab ilayhi mimma siwahuma. Il aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager plus que toute autre chose, plus que tout. Wa an yuhib al-mar la yuhibuhu illa lillah. Quand il aime une personne, il l'aime fillah. Pas pour autre chose. Hakada ash-sha'n al-mu'min, il aime fillah. Et ça ne veut pas dire que le mu'min, il n'aime pas un amour naturel. Parents, proches, même si ce n'est pas des mu'minoun, c'est autre chose. قال وَأَنْ يَكْرَهَ يَرْجِعَ عَنْ دِينِهِ كَمَا يَكْرَهَ أَنْ يُقْذَ فِي النَّارِ. Tellement qu'il aime le dîn, il déteste, il a peur, il craint de délaisser son dîn. Comme l'insan, il a peur, il craint de tomber dans le feu. نعم. قال فَذَكَرَ أَصْلَ الْإِيمَانَ الَّذِي هُوَ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى آخِرِهِ. هذا, Inch'Allah, on continuera le prochain dars. كتاب النفيس جدا. Vous avez remarqué que هذا الكتاب فيه فوائد جميلة et il est très très simple à lire. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المؤلف l'auteur الشيخ سعدي. والحمد لله, et on passe à la lecture de la fatwa pour terminer. Inch'Allah.